Yeah, Jeff White. This is La Peste. Sering by Baraji. Le bazin riche, c'est décise. Je viens de Dakar, je suis métisse, mais pas d'Ibiza. Plus boubou que bling bling, kiffe les bin bin. Loin de la famille, de mon bled, mon cœur déprime. Ici, c'est la merde, c'est Paris, c'est la grisaille. C'est pour ici que des millions de frères demandent un visa. Dans le RER, personne se parle, personne se calcule. Donc rien à voir avec l'ambiance d'un car rapide. Rallye Dakar, sous le soleil des plages et des espaces. Au pays des carapites, on côtoie la masse. Toutes les diasporas, Wolof Toukouleur et Diola. Bienvenue chez moi, ambiance populaire autour du Barada. Polémique politique sur la vie sociale. Wahalek débrouillé, life pour banal. Sur les rythmes traditionnels, Dakar bouge. Oh, on a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie et prends rencard. Embarquement immédiat pour le vol Paris-Dakar. Destination Sénégal, embarquement immédiat, et y'a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. C'est une presqu'île, sur le goût de l'Atlantique, au goût de melting pot de couleurs. Avec un people authentique, sous les palmiers, c'est les cocotiers. Le sens de l'hospitalité. Allô, c'est pour confirmer un départ. Un billet aller simple pour Dakar. Welcome au pays de la Teranga, où la ville bouge au rythme de Sandaga. Siège de tous les débats, la rue est vers le CFA. Et la devise des Banabana. Well, l'hospitalité, toujours d'actualité. Les gens cohabitent cool dans les quartiers. Se donnent la main, signe de fraternité. La beauté de nos femmes est une réalité. On a les simples pour Dakar. Des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie et prends rencard. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. À tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, et y'a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Boulouac, ta gueule ce billet Paris-Dakar. Bronzage et plage, la crème glacée a fondu. Dans la bouche belle et sage, de fille je nage et sans maquillage. Et toi confondu dans la béatitude de l'image. Tu fais qu'un homme de plus qui se cogne au fond du coquillage. Malgré les fièvres, le sourire aux lèvres. Comme le jour qui se lève, on se livre, on se lore. Bip bip. Le feu rouge débloque en jaune et black. Les taxis actionnent, Dakar en action. Ici y'a plus d'issues, maintenant c'est Sering Bay. C'est le Sénégal, ça sent bon Tchoraï. Les femmes sont en pagne, tout le monde est en paix. Loin de la France, dans ma tête c'est l'île de Gorée. C'est taf taf, carapide, passe passe, Coroban. Loin des embrouilles, carabines, des tasses, Sicile, Islam. Daraji, Samambok, Dia, Jeff White. Au Sénégal, j'ai des potes. On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Sénégal, prends. Je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. A tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, et y'a pas de lézard. Ce billet Paris-Dakar. On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Fais une compagnie et prends rencard. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. Radio Méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat et y'a pas de lézard. On va sans visa, prêt pour le départ. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. This is La Peste. Nangen Def Dakar Ojaï. Taraji Chiki Bao. Coroban pass, Coroban pass, gawal, gawal, gawal. Lead them, lead them, lead them, yo. Gawal, gawal, gawal, why? Lead them for me, yo. Lead them, jolko, jolko, jolko, jolko. Jolko, pikin, pikin, pikin, pikin. Jok mo pass, jok mo pass. No, no, yo, nage jolko, pikin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, itengin, da, iteng